Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Eh ben oui, c'est déjà vendredi, mosaïque. Alors je vous propose ce soir une mosaïque d'enregistrements divers et variés. Alors le premier, ce sera comment s'est déroulée la privatisation des autoroutes, hein, quand même un sujet important. La CRIRAD, des citoyens face aux mensonges. Ensuite, la CRIRAD, de nouveau, pour une mission en territoire contaminé, puis le dernier épisode de l'enregistrement de la CRIRAD, irradiation permanente. Voilà des sujets graves, importants, qu'il convient de ne pas ignorer. Denis Robert et C. Le Gall dénoncent ces milliardaires qui pillent, etc. Hein. Mélenchon, 5 minutes pour comprendre le CETA. Le fameux CETA dont on parle plus ou moins abondamment ces temps-ci, hein, et puis d'autres contrats du même genre. Ensuite, le Média, 14 juillet, la chasse aux gilets jaunes. Ah oui, le jour du 14 juillet, on a fait la chasse aux gilets jaunes. Ah oui, c'est du propre, hein. Ah oui, nos ancêtres qui ont fait la révolution de 1789, si vous voyez ça, ils ne seraient pas fiers de nous. Ensuite, ben une petite revue de presse. Et puis Denis Robert nous expliquera ce que sont les milliardaires prédateurs des États. Et puis on entendra un reportage, un enregistrement plus exactement, d'une causerie radiophonique qui date de 1954 de Pierre Mendès-France. Pierre Mendès-France était le premier ministre à l'époque. Et il avait pris l'habitude de faire régulièrement des causeries à la radio pour expliquer la politique qu'il menait et pour quelles raisons il faisait cette politique-là. Hein, et qu'il demandait, bien sûr, l'appui des citoyens, l'appui des électeurs pour mener à bien sa politique. Alors il est resté très peu de temps, 3-4 mois je crois, au gouvernement. Mais voyez, 1954-2019, on se souvient encore de lui. Enfin, beaucoup se souviennent encore de lui. Ceux qui ne sont pas trop ingrats se souviennent encore de Pierre Mendès-France, qui a œuvré beaucoup, notamment pour la paix en Indochine. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Elles ont été privatisées, les autoroutes, et ça c'est une grande trahison déjà. Et puis c'est une grande trahison. Une erreur, surtout à un coût très faible, très très faible, trop faible. Cette privatisation est depuis 10 ans le symbole exact, le plus significatif, d'une certaine opacité française. Notre pays doit retrouver une capacité d'investissement dans l'avenir. J'ai en outre décidé de poursuivre la cession par l'État de ses participations dans les sociétés d'autoroutes afin de financer ces grands travaux et de leur permettre de souscrire aux appels d'offres européens. Je dis que le gouvernement n'a pas le droit de le faire. Quelle a été l'ambition du gouvernement, qui était le bien ? 1. Moderniser les infrastructures. 2. Désendetter la France. Rapport parlementaire en 2005, au moment où nous avons décidé d'engager ce processus, qui estimait le montant à payer pour cette opération à un peu plus de 11 milliards. Donc c'était une bonne affaire pour l'État. La France qui gère tout ça a récemment déclaré, je cite, « la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d'autoroutes est assimilable à une rente ». Bon, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Mais vous savez, de toute façon, les automobilistes ne sont jamais contents et de toute façon, non, on enfin est ravis. C'est la haute autorité de la concurrence. Et le problème, c'est que c'est dans la longue durée qu'on peut moderniser les infrastructures et c'est eux qui payent et c'est pas nous. Il y a 3 objectifs à cette discussion. Oula. Le gel des tarifs en 2015. Hein. Deuxièmement, relancer l'investissement, c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Que le troisième ? Être plus transparent. On a mal géré ces contrats ces dernières années, on va être plus transparent. On porte une réforme dans la loi croissance et activité pour cela. Il est signé par Emmanuel Macron et Ségolène Royal, écrit noir sur blanc, pour compenser le gel des tarifs en 2015. Des hausses de tarifs additionnelles chaque année de 2019 à 2023. «

mois après la catastrophe de Fukushima, fin mai 2011, la CRIRAD a décidé d'envoyer une équipe de son laboratoire au Japon pour continuer le travail de coopération avec les citoyens japonais, faire des prélèvements et donner des informations aux habitants sur les risques liés à la radioactivité. The authority picks you up for preventing panic of the citizens. So what do you say in front of the people who were being exposed? To reduce the additional exposure, you need a certain method to control. And we have tried not to, to impose our opinions. People who can leave, they have already left. De nombreux habitants ont décidé de quitter des territoires affectés par les retombées. Même si les autorités n'en avaient pas donné l'ordre, on parle d'auto-évacuer. 被爆をしたくないという思いが踏みにじられて、要するに避難ができる人とできない人が出てきたり、そういうおかしな状況になるっていうことが今の日本の状況だと私は思っています。非常に不平等で不均衡な政策や政策が実施されているなというふうに思います。 Une des premières choses que Wataru Iwata a demandé, c'est d'aider à la mise en place de moyens de contrôle de la radioactivité des aliments. Les habitants qui ont décidé de rester sur les territoires contaminés ou qui n'ont pas d'autre choix, souhaitent au moins pouvoir choisir les aliments les moins contaminés afin de limiter la quantité de substances radioactives qu'ils sont susceptibles d'ingérer. De simples radiomètres peuvent permettre de repérer les aliments les plus fortement contaminés, mais pas forcément des aliments dont la contamination est pourtant supérieure aux normes. L'utilisation d'un compteur Geiger ou d'un simple radiomètre n'étant pas suffisante, la CRIRAD a amené au Japon un appareil portatif plus sensible que Christian Courbon, technicien spécialisé, utilise ici lors d'un séminaire organisé dans la ville de Fukushima avec les habitants. Pour obtenir une analyse plus précise du niveau de contamination des aliments, il est nécessaire de procéder à des analyses par spectrométrie gamma en laboratoire. On voit apparaître alors des pics spécifiques qui permettent d'identifier chaque substance radioactive émettant des rayonnements gamma. La quantité de ces rayonnements permet d'en déduire la quantité de l'élément radioactif dans l'aliment exprimé en becquerel par kilogramme. Avant d'aller plus loin, revenons sur quelques notions de base concernant la radioactivité. La matière qui nous entoure est constituée de divers éléments, divers atomes comme l'hydrogène qui est le plus léger, l'oxygène et le fer. La majorité de ces atomes sont stables, c'est-à-dire qu'ils n'évoluent pas au cours du temps. Mais certains d'entre eux, au contraire, sont instables. Ils ont tendance naturellement à se transformer en de nouveaux atomes, à se désintégrer. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. C'est le cas par exemple de l'uranium, présent naturellement dans notre environnement. Au cours des désintégrations, de puissantes radiations sont émises, des particules alpha, des particules bêta et des rayonnements gamma. Ces radiations invisibles créent des lésions dans nos cellules qui peuvent entraîner des dommages sanitaires. « Suite à la catastrophe de Fukushima, les autorités ont mis pratiquement une semaine avant de prendre des mesures d'interdiction de consommation des aliments les plus contaminés. Cela veut dire que pendant plusieurs jours, les citoyens ont pu consommer des aliments très fortement contaminés par les retombées radioactives. On a appris trop tard que des végétaux, pourtant prélevés en dehors des zones d'évacuation, étaient tellement contaminés par le césium et l'iode radioactif, plusieurs millions de becquerels par kilogramme, que l'ingestion de quelques dizaines de grammes, et même de seulement quelques grammes pour un jeune enfant, conduisait à dépasser la dose maximale admissible sur un an. Les premières interdictions sur les aliments publiées par les autorités japonaises n'ont concerné d'abord que la commercialisation et n'ont été étendues qu'ensuite à la consommation. Mais la désinformation sur les risques était telle que beaucoup de gens ont continué à consommer des aliments contaminés. C'est ainsi qu'un agriculteur de Koriyama, une ville située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la centrale accidentée, a indiqué qu'il a respecté l'interdiction de vente de ses légumes, mais que lui et ses enfants ont consommé la production pourtant contaminée afin de ne pas la gaspiller. Si les citoyens ont les moyens financiers pour acheter des aliments sains et à des prix abordables, ou réaliser des contrôles sur les aliments, ils peuvent diminuer la dose liée à l'ingestion. En revanche, vivre dans les territoires contaminés, c'est être soumis en permanence aux radiations émises par les substances radioactives invisibles qui se sont déposées sur toutes les surfaces exposées à l'air contaminé, toiture, sol, végétation. Elles se sont accumulées au pied des arbres, dans les caniveaux, les craquelures du béton ou du goudron, au pied des gouttières et des talus. L'air contaminé s'est infiltré partout et des dépôts radioactifs se sont produits aussi à l'intérieur des serres, par les ouvertures latérales. Les mesures réalisées par la CRIRAD à Hitachi, à 85 km au sud de la centrale, indiquent des niveaux de radiation 2 à 4 fois supérieurs à la normale dans la serre. C'est cependant à l'extérieur que les valeurs sont les plus élevées. Donc là, à l'intérieur de la serre, j'ai 200 coups par seconde, 230 coups par seconde, 220 coups par seconde. Et ici, sur la terre qui a été contaminée par les retombées de Fukushima, on a 600 coups par seconde. C'est-à-dire que la radioactivité ici, à cause des retombées de Fukushima, est trois fois plus forte qu'à l'intérieur de la serre, parce que tout simplement, la serre a protégé des retombées directes. En faisant des mesures de radioactivité avec ce paysan bio, dans son champ à 75 km au sud de la centrale accidentée, la CRIRAD lui a montré que le niveau de radioactivité est anormalement élevé à la surface du sol. Mais qu'en décapant la terre plus en profondeur, le niveau de contamination baisse. Et là, j'ai presque 400 coups par seconde. もうちょっと深いとこやってみてこれ。170 coups par seconde. Plus on attend, plus le césium radioactif va pénétrer en profondeur. Quelques semaines après les retombées, dans la majorité des sols contrôlés par la CRIRAD, la contamination avait déjà atteint une profondeur de 10 cm. Mais que peut faire concrètement ce maraîcher ? Il évoque l'utilisation d'une machine qui lui permettrait de décaper la couche supérieure du sol, mais il n'en a pas les moyens financiers. Dans certains cas, les habitants sont demandeurs de mesures indépendantes. Dans d'autres cas, il est difficile de réaliser des contrôles. I received a lot of requests going to the broad area like a schoolyard or community park. We did. And of course, the teacher from the school, some of they, let me say, half of they were afraid of stranger come to the school and make a measurement. I asked those parents to negotiate by themselves with their school. We needed anyway permission to do so. And this school refused to be measured. And I see sometimes young people playing soccer here. It's over 5,600. It's over 6,000 now. 7,000. 27,000. Au cours de sa mission sur place, L'équipe de la CRIRAD a pu percevoir à quel point il est important de montrer aux habitants qui sont touchés par les retombées la réalité de la contamination. Ils sont confrontés à des choix dramatiques pour eux et leurs enfants, c'est-à-dire rester sur un territoire contaminé ou prendre la décision de le quitter. Un des moments les plus difficiles a été lorsque cette paysanne a demandé à la CRIRAD de venir faire des mesures au niveau de sa ferme, dans une zone située à environ 30 km à l'ouest de la centrale. Elle avait été évacuée de force pendant la phase des rejets à l'atmosphère, mais après les retombées, sa propriété ne faisait pas partie des zones à évacuer durablement. Elle s'interrogeait sur la question de savoir si elle pouvait revenir vivre ici. Elle a demandé à la CRIRAD de réaliser des mesures, et lorsqu'elle s'est rendue compte du niveau de radiation de sa terre, elle n'a pu retenir son émotion. Puis elle a dit « Merci d'être venue d'aussi loin. J'étais dans l'obscurité et vous m'apportez la lumière. » Cela veut dire que pour elle, le fait de se représenter, grâce aux résultats des appareils, cette radiation invisible, le fait d'en comprendre la nature, l'a aidé à assumer une décision terrible, celle de ne pas revenir sur cette zone contaminée. La CRIRAD lui a adressé les résultats par courrier et elle espère que cela l'aidera dans son combat pour obtenir des indemnisations. Un seul rayon gamma émis par la désintégration du césium radioactif transporte des centaines de milliers de fois plus d'énergie que la lumière visible en provenance du Soleil. À la différence de la lumière visible, les rayons gamma sont capables de traverser un mur ou du métal. Ils irradient donc les habitants, même lorsque ceux-ci sont en voiture, dans le train, ou à l'intérieur des bâtiments, à l'école, au travail ou à la maison. Once we have lost the sense of dispersing, attunement pressure will emerge from both sides and from you. Disperse. Disperse. Les premières cartes officielles du niveau des retombées radioactives au Japon sont trompeuses. La ville de Fukushima figure dans le secteur en bleu sur la carte, que beaucoup ont interprété comme peu contaminée. La radioactivité est pourtant omniprésente dans cette ville de près de 300 000 habitants. On le voit sur ces images. Même au troisième étage d'un immeuble, le niveau de radiation est très supérieur à la normale et augmente au fur et à mesure qu'on s'approche du rebord de la fenêtre. Dans certaines écoles, il est demandé aux enfants de changer régulièrement de place pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui restent assis près des fenêtres. Sur ces images tournées à chaud par la CRIRAD en mai 2011, nous voyons que dans le bureau, au niveau du sol, la radioactivité est plus de 7 fois supérieure à la normale. À 1 mètre au-dessus du sol, elle augmente encore car l'on se trouve alors plus directement soumis aux rayonnements gamma qui proviennent des sols contaminés situés à l'extérieur de la pièce. Quand on s'approche de la fenêtre, la radioactivité devient de plus en plus importante, plus de 14 fois supérieure à la normale, et même plus de 20 fois supérieur lorsqu'on ouvre la fenêtre et qu'on va à l'extérieur, puisqu'on est directement soumis aux radiations émises depuis le sol contaminé. Si l'on interpose un corps humain entre l'extérieur de la pièce et l'intérieur, on fait baisser le niveau de radiation. Dans cette expérience, il passe de 1300 coups par seconde à moins de 1100 coups par seconde. La différence vient du fait qu'une partie des radiations est stoppée dans l'organisme. Les risques de cancer et d'autres types de pathologies augmentent avec la dose même à très faible niveau. En matière de protection contre les radiations, il n'y a pas de seuil d'innocuité. En situation normale, la dose maximale annuelle admissible est fixée à 1 millisievert par an. Selon le modèle officiel, cette dose correspond à un niveau de risque de 17 cancers pour 100 000 personnes exposées. Au Japon, les habitants de plusieurs préfectures, et cela représente des millions de personnes, ont reçu en 2011 des doses largement supérieures à 1 millisievert par an. Et pourtant, ils n'ont pas été relogés. Les autorités japonaises ont décidé en effet de relever le niveau de dose maximale annuelle admissible à 20 millisieverts par an, ce qui revient à accepter un risque de cancer 20 fois supérieur, et cela concerne aussi bien des enfants et des femmes enceintes. Pour que la population accepte de vivre sur des territoires contaminés, les autorités ont décidé de leur laisser croire que les faibles doses n'auraient aucun effet sur la santé. Une vaste campagne de désinformation a donc été lancée dès mars 2011 et se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Le professeur Yamashita ira même jusqu'à dire qu'en dessous de 100 microsieverts par heure, il n'y a pas d'effet sur la santé. Et que les radiations n'auront pas d'effet sur les gens qui resteront souriants. C'est ainsi que la CRIRAD constate sur le terrain que des citoyens qui auraient dû être évacués en urgence sont toujours exposés à de forts niveaux de radiation plus de 2 mois après les retombées. 16 000 contact, 12 000 à mètre. L'équipe de la CRIRAD a rencontré ce paysan à Itaate, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la centrale de Fukushima. Il n'avait toujours pas été évacué fin mai 2011. À la fenêtre de son salon, le taux de radiation était plus de 90 fois supérieur à la normale, et au milieu de son salon, le taux de radiation était plus de 76 fois supérieur à la normale. Cet homme avait dû accumuler depuis le début de la catastrophe plusieurs dizaines de millisieverts. La CRIRAD lui a évidemment conseillé de partir au plus vite. Il a répondu qu'il ne pouvait pas s'y résoudre tant qu'il n'avait pas réussi à vendre son troupeau. Même à plus de 30 km de la centrale de Fukushima, 8 semaines après la catastrophe, le niveau de radiation restait plus de 100 fois supérieur à la normale. On voit que le débit de dose dans la voiture est de 10 microsieverts par heure. Ça veut dire qu'à chaque heure qui passe, on prend déjà une dose qui n'est pas négligeable. Donc on n'a pas intérêt à traîner ici. We'll be right back. Denis Robert, l'un des plus célèbres journalistes d'investigation français, l'affaire Clearstream, l'affaire Grégory, Catherine Le Gall, journaliste d'investigation spécialisée dans les dérives de la finance. Vous publiez Les Prédateurs, au Cherche Midi. Dites-moi, Denis Robert, qui sont ces prédateurs dont vous parlez? Vous nous dites que ce sont des milliardaires qui spolient les États. C'est ça, ce sont en l'occurrence deux d'entre eux qui sont Albert Frère et Paul Desmarais, mais derrière eux, on évoque aussi le cas d'Arnaud, de Bolloré et d'autres en France, et on se rend compte qu'ils fonctionnent un peu tous de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont des cibles qui sont généralement au départ de leur fortune des entreprises publiques. Ils mettent des hommes à eux à l'intérieur de ces entreprises publiques. Et ensuite, il y a toute une stratégie pour s'accaparer ces biens publics à partir d'études bidons, de compromissions politiques, etc. C'est-à-dire, vous dénoncez finalement des pratiques, mais au fond, on se dit, gagner de l'argent pour ces milliardaires, c'est leur raison d'être. On peut vraiment dire ça, Catherine Le Gall. Bah oui, c'est vrai que sur ce livre-là, ce qu'on questionne particulièrement, c'est les États. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas reprocher aux milliardaires de vouloir faire du profit, mais par contre, on peut s'interroger sur le fait que les États ne réagissent pas, voire se laissent faire. C'est-à-dire que dans les trois cas que nous, on a enquêtés, à aucun moment, les autorités de contrôle n'ont tiré la sonnette d'alarme et n'ont arrêté ces affaires qui auraient pu être arrêtées à de multiples reprises. Oui, donc vous dites complicité des hommes politiques avec ces milieux d'argent. C'est-à-dire qu'on tire un fil et au départ, c'est un effroi véritable qui nous motive. C'est qu'on découvre qu'une chaîne de hamburgers qui s'appelle Quick, donc manger des hamburgers, une banque publique qui est la Caisse des dépôts, la rachète à un prix 3 ou 4 fois supérieur à ce qu'elle coûte. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de vendre Quick 300 millions d'euros, ils n'y sont pas parvenus. Et la Caisse des dépôts, en prenant des masques, en se cachant derrière des sociétés, la rachète 760 millions 18 mois plus tard. Avec de l'argent public, avec l'argent des petits contribuables, des épargnants, etc. Et on se dit, mais comment, pourquoi, qui? Et vous partez de ce constat et vous remontez finalement, vous enquêtez. Et qu'est-ce que vous découvrez? Ben, on tire les fils. C'est parce que ce sont 3 affaires qui ont été instruites par la justice. Et donc, on tombe sur une affaire similaire au Brésil, c'est-à-dire l'organisme public Petrobras qui rachète une raffinerie appartenant à Albert Frère. Et l'ombre de Paul Desmarais et Albert Frère plane sur le rachat par Areva d'une minière également qui a été achetée 2,5 milliards alors qu'au départ elle valait quelques millions. Oui, mais qu'est-ce qui expliquerait cette connivence? Alors c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est une sorte de thriller monde, mais un thriller vrai, où on voit que la compromission des politiques et des hauts fonctionnaires d'État qui sont complices de ces systèmes. Et on voit donc que les milliardaires, un peu comme les turfistes parient sur des chevaux, les milliardaires parient sur des hommes politiques. Et le démarrage de notre enquête aussi, c'est de 2007, le Fouquet's. Il y a 57 personnes invitées. Parmi ces deux personnes, il y a deux milliardaires. La victoire de Nicolas Sarkozy, on le rappelle, oui. La victoire de Nicolas Sarkozy, avant de partir en yacht sur le yacht de Bolloré, il va faire une fête au Fouquet's. Et il y a deux milliardaires étrangers qui sont là, Albert Frère, Paul Desmarais. Et on se demande pourquoi ces types-là sont là. Ils ont peut-être autre chose à faire. Et en fait, on comprend qu'ils parient sur le cheval Sarkozy parce qu'ils ont une idée en tête, c'est de choper entre guillemets, Gaz de France. Parce qu'ils savent déjà que Gaz de France va être privatisé. Eux sont actionnaires dans Suez. Ils ont besoin de liquidités, donc ils sont pressés de vendre quick. Et ils ont la complicité de l'État français qui va leur filer ces 800 millions d'euros, en gros. Et ils vont revendre beaucoup de liquidités comme ça. Et ils font un raid avec Suez sur Gaz de France. Et c'est à ce moment-là, là, on est dans le capitalisme financier, dans la prédation, l'art subtil de la prédation. Là, il n'est pas trop subtil, puisqu'on réussit à les démasquer. Et Gaz de France, c'est la chaleur des pauvres. C'est-à-dire, c'est un bien public. C'est-à-dire que tous ces... Mon père travaille à EDF, mon oncle travaille à Gaz de France. Je sais tout ce que les hommes de ces entreprises publiques ont donné pour créer ça. Et à un moment donné, un peu comme en Russie avec les oligarques. Hein, pourquoi les oligarques sont riches? Parce qu'on a tendance à dire, oui, c'est des oligarques, c'est des Russes, etc. Là, on est en France, on vit la même chose, et on a des hommes politiques qui ouvrent les vannes. Et si pourquoi, vous voulez... pourquoi d'ailleurs, au fond, pourquoi ils ouvrent les vannes? Pourquoi Catherine Le Gall, ils prennent de tels risques, ou ils prendraient de tels risques, ces Parce hommes politiques? Il y a plusieurs raisons. Déjà, on peut parler de financement de campagne. Ensuite, on peut parler du fait que les hommes d'affaires apportent de l'emploi, qu'ils apportent de la croissance. Moi, je dirais que la classe politique est pieds et poings liés avec les hommes d'affaires qui les aident à gouverner, en dépit tout bêtement. De tous les contrôles, contrôle sur les financements, de campagne, le contrôle etc. n'existe pas. Le contrôle n'existe pas. Et en plus, il est désossé de plus en plus avec les fonctionnaires qui partent à la retraite. Hein. C'est si bête que ça. Mais la casse de la fonction publique donne aussi de la liberté aux milliardaires pour pouvoir s'en donner à cœur joie et piller les États sans contrôle véritable de la part des instances qui devraient mettre le nez dans ces affaires et savoir comment ça se passe et décrypter les montages. Et c'est vrai que nous, dans ce bouquin, je trouve que la plus-value, c'est qu'on décrypte les montages vraiment dans la finesse de la mécanique financière. Comment vous arrivez à remonter tout ça? Comment vous avez réussi C'est vraiment un travail de chien. D'ailleurs, on se demande, il faut une énergie de dingue pour ces 3 ans de boulot. C'est souvent dans les détails, dans des rapports d'experts comptables, dans des choses comme ça, qu'on arrive à décrypter la magouille. Et il faut rappeler que la banque qui fait tous ces montages qu'on trouve dans les 3 histoires, c'est la banque Rothschild. Et à un moment donné, on s'est dit qu'on allait tomber sur Emmanuel Macron, parce que c'est un peu dans sa période. Et on voit bien que c'est sa culture, quoi. Et qu'on a assez peu d'espoir de voir que des prédateurs comme ça ou des milliardaires comme ça soient dans la Macronie galopante qu'il y a aujourd'hui, qu'on puisse les inquiéter, quoi. Le paradoxe, c'est qu'on voit qu'il fait des plans pauvreté en disant, oh, les pauvres qui ont du mal à se chauffer, etc. Mais pourquoi on dépense autant de fric dans le chauffage? C'est parce que, en 2006, on a vendu Gaz de France à un prédateur qui tout de suite a augmenté les prix du gaz. Alors, Catherine Le Gall, vous racontez, donc, vous le disiez, notamment deux destins incroyables. Albert Frère et Paul Desmarais sont des gens qui ont commencé avec peu, finalement. Ben oui, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré l'entreprise de clous de la part d'Albert Frère et l'entreprise de bus pour Paul Desmarais. Et puis, ben, ils ont un esprit de business ou de prédation qui font qu'ils ont monté en puissance et qu'ils arrivent à la tête de multinationales. Et en fait, qui se cachent dans des holdings qui leur permettent d'acheter des parts dans des multinationales et de cumuler les plus-values, finalement. Parce que pour eux, ce qui compte, c'est d'acheter, de vendre, et avec des plus-values extraordinaires pour monter dans le classement Forbes et devenir une grosse fortune. Oui. Et là, ce qu'on montre, c'est que c'est de l'argent public, parce qu'au Brésil, c'est encore plus flagrant qu'en France. Si ce pays est dans un tel état de délabrement, c'est parce qu'au point de départ, comme dans la théorie du chaos ou des dominos, on a la vente d'une raffinerie, on a Albert Frère qui finance un petit peu tout ça, quoi, et qui s'enrichit sur le dos des États, en l'occurrence le Brésil. En fait, vous dénoncez une sorte de capitalisme mondial centralisé et sans vergogne. C'est au fond, vous dites qu'il s'accapare le bien public, au fond, c'est ça? Parce que c'est incroyable, c'est vrai, ce que je dis, c'est que ça colle un véritable effroi. Quand on décryptait les PV, qu'on décryptait l'instruction judiciaire, moi j'ai vraiment une sensation d'effroi. Je me disais, mais c'est pas possible cette impunité. Et en effet, c'est ce qui est vraiment très marquant de cette enquête, c'est que on remonte jamais jusqu'à la source, on remonte jamais jusqu'au véritable responsable de ce genre de gaspillage et de prédation. Et effectivement, il y a une impunité totale de la part de ces milliardaires. Et en effet, ce capitalisme financier menace la démocratie et en ébranle les fondements. Oui. Et il est important. Mais les États sont forts aussi. Les États pourraient gagner, peut-être? Non, parce que, si vous voulez, la question de fond, c'est de se demander pourquoi des pays aussi riches que les nôtres, la France, mais aussi la Belgique, le Canada ou le Brésil, produisent autant de pauvreté. Alors, il y a des débats politiques, publics, des palabres autour de tout ça. Vous dînez, on vous dit, ah là là, c'est terrible et tout. Là, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est les détails. Quand on commence à décrire

Dorénavant, plus aucun accord de libre-échange ne sera voté dans les parlements nationaux. Ça a été décidé en mai dernier. Et c'est pas une petite décision, parce que des accords qui sont dans les tuyaux, il y en a une ribambelle. Là, en ce moment, on passe le CETA, l'accord avec le Canada, un accord de libre-échange avec le Canada. Et cet accord, il pose d'innombrables problèmes. D'abord, il a été négocié dans un secret absolument incroyable. Ensuite, aujourd'hui, il prévoit un libre-échange dans lequel les normes sanitaires auxquelles nous ne croyons en Europe ne seront pas respectées. Le Canada est le premier pays producteur de végétaux OGM et il est le premier pays qui a mis sur le marché un organisme vivant génétiquement modifié en saumon. C'est pour vous situer. Alors évidemment, le libre-échange, ça pousse chaque pays à produire toujours plus de ce qu'il échange. Et là, en l'occurrence, ce sera le gaz et le pétrole de schiste que le Canada produit qui va être boosté, et évidemment au détriment des gaz à effet de serre sur la planète. Il faut savoir que ça a déjà progressé de 46% ces importations. Bon, donc c'est un accord de libre-échange qui repose sur l'idéologie du libre-échange. Mais nous croyons en toute autre chose, c'est-à-dire que nous croyons qu'il faut au contraire relocaliser le plus possible de production. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'on fasse de l'élevage de bœufs en France pour aller les manger au Canada et vice-versa. Hein. Non, plus c'est relocalisé, plus la structure économique, la structure sanitaire, la structure agricole sera solide. Voilà l'idée qu'on a, nous. Donc, faut bien comprendre que c'est pas une affaire seulement de commerce, comme ils disent. C'est toute une vision du monde qui marche avec ça. Alors, il faut que vous compreniez que tout ça a commencé dans le début des années 2000, la fin du siècle précédent, quand ils avaient pensé faire un monde unifié par des règles commerciales communes, et que tout ça s'est cassé la figure dans la négociation de l'Organisation mondiale du commerce qui venait d'être créée. Donc ils se sont dit, ben, puisqu'on n'y arrive pas d'un seul coup, on va faire des accords sectoriels, et puis de cette façon-là, ça finira par faire un seul marché unique mondial. Voilà. C'est l'accord sur le Canada, c'est dans ce cadre qu'il intervient. Alors leur habileté, c'est toujours de le vendre morceau par morceau. Alors ils viennent, nous disent, oui, ben, l'accord pour le Canada, c'est pas très grave, ça concerne que 4% de tel type de production, 10% de telle ou telle production. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces productions, elles sont placées, par exemple, les productions de viande bovine. Bon, nous, on est pour réduire les protéines carnées, mais pour autant, on n'a pas dit qu'il n'y en aurait plus du tout. Et évidemment, pour qu'il y en ait moins, mais mieux, il faut que ce soit d'une meilleure production, dans de meilleures conditions, moins importantes, et dans un plan général où on va en consommer moins. Donc les agriculteurs qui font ça, il faut qu'ils puissent en vivre dignement. Bon, alors évidemment, vous leur mettez un choc qui s'appelle CETA, parce que là-bas, la viande est moins chère, elle est OGM notamment, et puis vous leur mettez un autre accord qui s'appelle Mercosur, et le problème est encore plus grave, parce que cette fois-ci, c'est aussi de la viande OGM qui va arriver des États du Sud, puis vous mettez l'accord Nouvelle-Zélande, puis vous mettez l'accord ceci, l'accord cela, et tout ce qui a été caché par la présentation Canada-France, bah, tout d'un coup, on voit que c'est un système global qui se met en place, dans lequel le dernier mot restera au moins cher, c'est-à-dire à ce qui aura été produit dans les pires conditions sanitaires et dans les pires conditions environnementales, bon, telles que nous les imaginons. Donc c'est vraiment un accord de la période d'avant du productivisme débridé, où ils étaient très sûrs d'eux, où tout allait fonctionner, alors que là on est en pleine crise climatique et que tout le monde s'en rend compte qu'il faut passer à une autre étape de la civilisation humaine et de la production. Donc l'accord CETA vaut la peine qu'on se mobilise contre lui, parce que c'est sans doute la dernière fois qu'on voit passer un accord de cette nature, puisque dorénavant, il ne passe plus dans les parlements nationaux. Je termine en vous disant que je me suis quand même posé la question de savoir pourquoi il le faisait quand même passer devant le Parlement français, alors même qu'il s'applique déjà. Hein. Moi, j'ai envie de curieux pourquoi ils font ça. Eh bien, parce que dans cet accord, il y a l'institution de tribunaux d'arbitrage. C'est-à-dire que les grandes multinationales, quand elles veulent se plaindre d'une décision prise par un pays, pourront venir protester devant ces tribunaux d'arbitrage. Alors, on avait dit qu'on voulait pas en entendre parler, parce que ça voulait dire qu'on réglait les conflits non plus sous la loi des pays où l'accord s'applique, mais dans un autre cadre d'arbitrage. L'arbitrage, c'est pas la loi, c'est où des gens, des juges de circonstances décident de ce qui est bon ou mauvais. Bon, c'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes la loi qu'ils appliquent. J'espère que tout le monde suit bien, mais ça veut dire que dans ce cadre-là, il n'y a plus de souveraineté populaire,

Quand la mission prioritaire des forces de l'ordre devient la chasse au moindre fragment de tissu jaune, on se dit que le recul des libertés démocratiques a atteint un sommet d'absurdité et que l'état de droit n'est plus que l'ombre de lui-même. Pour complaire au monarque avant qu'il ne passe les troupes en revue sur les Champs-Élysées, ordre avait été donné aux policiers et gendarmes de confisquer tout objet ou vêtement pouvant rappeler les gilets jaunes et d'en interpeller les porteurs. Car les gilets jaunes appelaient en effet à être présents en masse sur les trottoirs, comme ici, à proximité du rond-point des Champs. Moi, je suis pas violente, moi. On veut manger du homard, nous, c'est tout. Moi, je suis pas violente, moi. Ces policiers ne sont pas écolos. S'ils ramassent les bouteilles d'eau en plastique que leurs propriétaires ont été contraints de vider sur place, c'est pour éviter qu'elles ne servent de projectiles. Les voitures officielles sont copieusement sifflées et les slogans fusent. Les gendarmes font mouvement. Cet homme, en t-shirt jaune, est interpellé en priorité. Où est-on jaune ? Non. Vous avancez en même temps que moi ? Puis c'est au tour du groupe qui l'entourait d'être nassé et embarqué. En milieu d'après-midi, on dénombrera 175 interpellations dans la capitale. C'est à ce moment que le commande-car du président de la République, escorté par les cavaliers de la garde républicaine, arrive à hauteur des manifestants. Sur les trottoirs, la chasse aux jeunes continue. Ils vous ont pris votre t-shirt ? Ils m'ont pris mon t-shirt, oui, monsieur, voilà, ça fait partie du système. Et quelle couleur il était, votre t-shirt ? Oh, il avait une tendance un peu jaune, peut-être, effectivement, mais c'est pas le problème aujourd'hui. C'est un vieux t-shirt, c'est ça ? C'est un vieux t-shirt, tout à fait. C'est pas le problème aujourd'hui, le problème, il est dans la rue, vous avez vu ? Ah, un 14 juillet comme ça, moi je suis un ancien militaire, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai plus de 50 ans. Voilà, monsieur, j'ai rien d'autre à dire. Et toujours cette question, lancinante. Où est Steve, du nom de ce jeune fêtard tombé ou poussé dans la Loire après une charge de police lors de la fête de la musique ? Où est Steve ? Où est Steve ? Où est Steve ? Où est Steve ? Les patrouilles de police fendent la foule dans l'intention d'intimider les protestataires. Les uniformes mettent un soin particulier à crever tous les ballons jaunes, considérés comme des attributs hautement subversifs. Puis ils m'ont crevé avec un couteau. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ah ben rien, ils ont ordre de... Le jeune ne doit pas être visible. Il faut qu'elle enlève ça là. Et il faut presque que j'enlève ma robe. Bien, ça va. Donc le jeune est interdit ? Et bien sûr, mais ça fait un moment que c'est interdit. Le jaune fait peur. On interdit les jaunes. Le jaune fait peur. Le jaune dérange. Le jaune dérange. Apparemment, c'est devenu... Hein. Pourtant, c'est devenu à la mode. C'est la fête du peuple aujourd'hui. Donc, c'était symbolique. On avait une appréhension, on avait peur que ça ne marche pas, mais ça a marché. C'est vrai que dans le public, il y avait certaines personnes qui étaient pro-Macron, qui pouvaient dire des choses, mais je crois qu'ils ne comprennent pas en fait ce qui se passe en ce moment en France. Ils, je ne sais pas, ils ont des œillères, ils ne comprennent pas. On a fêté Macron dignement, je suis désolée. Il a eu droit au soufflet, il a eu droit au ballon jaune, il a eu droit au drapeau, aux chansons. Ben, c'était la fête à Macron aujourd'hui. Mais par le peuple cette fois. Sophie Tissier est là. C'est une des rares figures des Gilets jaunes à être encore en liberté à cet instant. Maxime Nicole, Éric Drouet et Jérôme Rodriguez ont été interpellés un peu plus tôt. Un policier vient de crever le ballon jaune qu'elle tenait. Un échange assez vif s'ensuit. La jeune femme ne se démonte pas. Elle gonfle un second ballon. Cette fois, l'intervention policière est plus vigoureuse. Mais les fonctionnaires sont contraints de reculer. On lâchera rien, les gars. La contestation, c'est un droit démocratique, ok ? C'est dans la Constitution. Troisième tentative, la bousculade est générale. Cette fois, les uniformes parviennent à s'emparer de Sophie Tissier. La tension est retombée. Les gilets jaunes improvisent une chenille. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour la mère des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. La police laisse faire. Le défilé s'achève et le président s'apprête à rejoindre son palais. Déjà, le public gagne les rues adjacentes pour quitter le périmètre. En milieu d'après-midi, alors que la police démantèle le barriérage, des incidents sporadiques vont opposer gilets jaunes et forces de l'ordre. Vers 18h, policiers et gendarmes ont repris le contrôle de la zone. Mais on continue à jouer au chat et à la souris. Où est-il ? Assassin ! Assassin ! Assassin ! Un petit groupe est nassé en haut des Champs-Élysées. Les gendarmes se montrent cependant débonnaires et laissent repartir au compte-gouttes les manifestants. Oui, on est nassé. Mais les mailles du filet sont grosses, mais c'est un rapport de confiance que nous avons. Ça fait un moment qu'on n'était pas revenus. Ça fait toujours plaisir de se retrouver tous ensemble, côtoyer nos amis gendarmes qui sont là toujours pour nous nasser aux meilleurs endroits. Voilà, moi comme je me demandais tout à l'heure... J'arrive toujours pas à comprendre la passivité générale qu'il y a. Ce gouvernement qui assume tout, même le pire. Aujourd'hui, la majorité des personnes ne bougent plus. Et on est aujourd'hui plusieurs milliers, mais c'est largement insuffisant. Il faudrait des dizaines de milliers, des centaines de milliers dans toutes les villes pour vraiment dire non à ce gouvernement, dire non à vraiment à tout ce système qui nous a servi totalement. Venez, rejoignez-nous. On est là, on est encore là, 7 mois après, on ne lâche pas l'affaire. Monsieur Castaner, Monsieur Macron, on sera là, toujours sur votre chemin. Ici et là, des rebelles en jeunes sont interpellés. D'autres ont plus de chance. Les commerces de luxe se barricadent. Le Fouquet's, qui ouvrait ses portes à l'occasion du 14 juillet, revêt à nouveau sa carapace. Commerçants et pouvoirs publics craignent en effet que gilets jaunes et supporters de l'équipe d'Algérie ne s'abandonnent à des désordres conjoints dans la soirée, opérant ainsi à la faveur d'une rencontre sportive la fusion entre les quartiers populaires et les ronds-points périurbains. Mais à 22h, il n'y aura que les amateurs de ballons ronds pour célébrer bruyamment l'accession des Fennecs à la finale de la Coupe d'Afrique. Les gilets jaunes ne sont plus là. Premier amour, près de l'usine à Graz. Premier rêve, près du vieux canal. Premier baiser, près de la raffinerie. Vieille ville de merde, vieille ville de merde. J'ai entendu la sirène des docks, vu le pétrole mettre la nuit en feu, senti le printemps dans les fumées du vent. Vieille ville de merde, vieille ville de merde. Clouds are drifting across the moon. cats are proud, laying on their beat. Spring's a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make a good sharp axe, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. A son ran from the docks, saw a train set the night on fire. Smell the spray on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. Dirty old town, dirty old town. Tour dans la presse, il y aura bien un procès pour Sarkozy. Le Conseil constitutionnel a rejeté vendredi l'un des derniers recours déposés par l'ancien président contre ses poursuites dans l'affaire Big Malion. Une décision qui rend son procès quasi inéluctable. Et puis, juste à côté, sur la même page, samedi 18 mai 2019, Mehdi Nemmouche, transféré de la Belgique à la France. Ah oui, je lis aussi des vieux numéros du journal, parce que bah, même s'ils sont anciens, ils sont encore d'actualité. Ça montre que les choses ont évolué, ou au contraire, qu'elles n'ont pas évolué. Elle accouche sur un rond-point au milieu des embouteillages. L'histoire n'est pas banale, mais c'est terminé de la plus belle des façons. Charlène Augère, bio au monde de Petit Lévio, au rond-point des Mercureaux de Beurre, ce jeudi 9 mai à 7h40. Assistée par les pompiers, la jeune femme n'a pas eu le temps de rallier l'hôpital. Alors voilà, si on ferme des maternités, eh bien, il y aura plus de trajets et il y aura plus de bébés qui naîtront sur la route, avec tous les risques que cela peut comporter pour le bébé et la maman. Le SAMU ne vient pas, elle meurt devant les urgences. Opérée dans une clinique à Lunéville, cette mère de famille avait téléphoné au 15, 4 jours après l'intervention, à la suite de douleurs. Le SAMU l'a invitée à se rendre à l'hôpital par ses propres moyens. Transportée par un proche, la patiente est décédée devant le SAS des urgences lunévilloises. Bravo les gens qui nous gouvernent, bravo. Ah oui, oui, oui, oui. Alors, on vient de fêter le 14 juillet. Le 14 juillet, c'était le peuple qui s'est révolté contre le pouvoir royaliste. La noblesse qui sévissait dans toute la France, dans en Europe aussi à l'époque, hein, partout. Mais voilà, eh bien, on est revenu un petit peu à cette époque-là. La République n'est plus tellement républicaine. Il faudrait qu'on la rende de nouveau plus républicaine, qu'on la rende franchement républicaine, notre République. Parce qu'elle n'a plus de république que le nom. Prise en otage dans un bar, libérée après 5 heures. Ça, c'était en Haute-Garonne. Suicide à France Télécom. L'ex-PDG n'y peut rien. L'ex-patron de France Télécom, Didier Lombard, jugé pour harcèlement moral, 10 ans après la vague de suicide dans l'entreprise, a rejeté toute responsabilité dans cette crise qu'il a qualifiée de crise médiatique. Il a qualifié ça de crise médiatique. Les gens se suicident à cause de lui. Et il appelle ça une crise médiatique. Eh oui, ah oui, ces gens-là, ils sont comme ça. Les stupéfiants désormais détectés dans les entreprises. Depuis 2017, la loi permet aux entreprises de faire subir des contrôles de stupéfiants à leurs salariés. Un laboratoire d'Épinal en est devenu la référence nationale et nombre de sociétés, dont celle du CAC 40, font appel à lui pour éradiquer un fléau qui coûte cher financièrement et socialement. Voilà, les entreprises font du social et elles feront peut-être bientôt de la politique, à moins qu'elles l'en fassent déjà depuis un certain temps, sans qu'on nous le dise et sans qu'on le reconnaisse. L'Europe fait son casting. Ursula von Leyen à la Commission, Christine Lagarde à la Banque Centrale, deux femmes de surprise que le Parlement doit encore accepter. Alors j'ai cru comprendre il y a quelques minutes que c'était fait. Ursula von der Leyen sera présidente. Présidente de l'Europe, on pourrait presque dire. Hein, oui. Comment il s'appelait déjà? Il y avait un homme politique là, qui avait écrit un bouquin, Le Harangue de Bismarck. Il expliquait que l'économie allemande et les politiques allemands avaient pris le pouvoir en Europe. Et c'était Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je cherchais son nom. Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Ah oui. Enquête ouverte sur les costumes de Jack Lang. Fraude au travail détaché, la lutte paye. Sur les 650 millions d'euros d'amende pour travail au noir, la part des fraudes au travail détaché a triplé à 130 millions d'euros. Un résultat très politique à trois semaines des européennes. Ben, les européennes, elles sont passées. Et le travail détaché, c'est à peine si on en a parlé pendant la campagne électorale. Bon, oui, c'était quelque chose qui aurait pu faire de l'ombre à l'idée que l'on peut se faire de l'Europe. Non, l'Europe n'est pas sous la domination de l'Allemagne. Alors, l'Allemagne est un leader économique. Point d'interrogation, oui. L'Allemagne est la première économie européenne et quatrième puissance économique mondiale, derrière les États-Unis, la Chine et le Japon. Si le pays est confronté à un trou d'air avec une progression de 1,5% de son produit intérieur brut en 2018 et une prévision de croissance de 0,5% cette année, les fondamentaux restent solides. L'Allemagne a enregistré des excédents budgétaires et commerciaux, records, et le chômage y est inférieur à 5%. En France, la croissance est élevée à 1,6% en 2018 et le chômage devrait baisser à 8,7% de la population active à la mi-2019. Quant au déficit budgétaire, il continue de se creuser. Voilà, l'Allemagne, la belle Allemagne, la grande Allemagne. 5% de chômeurs seulement. Oui, mais vous avez des gens qui ne sont pas comptés comme chômeurs parce qu'ils gagnent 1 euro de l'heure. Ils travaillent pour 1 euro de l'heure. Ceux qui ont été prisonniers de guerre, ceux qui ont été déportés du STO, qui ont été déportés des camps de concentration et même d'extermination dans les années 40, ceux qui sont encore vivants ou leurs descendants qui en ont entendu parler, ne manqueront pas éventuellement de faire des rapprochements. Bah oui, les politiques qui sont en place actuellement en Europe nous rappellent de tristes souvenirs. L'homme responsable de la disparition de la nature. Les scientifiques de l'ONU appellent à un sursaut de l'humanité pour préserver la vie sur la planète. Une espèce sur 8, animale ou végétale, est en danger à cause de nos activités. Mais on votera bien la prochaine fois, on votera mieux et ça s'arrangera, bien sûr. France insoumise, l'évasion fiscale au centre des débats. Pour les thèmes du programme de la France insoumise pour les européennes, la section vosgienne a consacré ce lundi une réunion participative à l'évasion fiscale. 4 intervenants, candidates, élus ou juste spécialistes, se sont épanchés sur la question avant d'échanger avec le public. Voilà. Eh ben, malgré les explications, la majorité a mal voté. Ben oui, mais c'est comme ça, que voulez-vous? Les Allemands, vu les 6 millions de chômeurs qu'il y avait en 1932, ils se sont fâchés et ils ont voté pour Hitler. Eh oui, ils ont voté, ils ont élu Hitler, vous vous rendez compte? Ben oui, Hitler, il a instauré la dictature comme il l'avait écrit dans Mein Kampf, en se servant des armes de la démocratie. En utilisant les armes de la démocratie, je détruirai la démocratie, avait-il écrit. Il n'avait pas seulement dit, il l'avait écrit. Eh bien, malgré ça, les gens se sont laissés avoir. Compagnons de la Libération, le tout dernier carré. Quatre témoins, quatre destins, à l'avant-veille de commémorer la victoire du 8 mai 1945, il ne sont plus que quatre compagnons de la Libération encore en vie. C'était le journal du 6 mai 2019. Ouais, bon, c'est toujours d'actualité. C'était d'actualité avant le 8 mai et c'est toujours d'actualité après le 8 mai. Grève du personnel de santé, nous voulons du concret. C'est à Épinal. Ce jeudi, syndicats et professionnels de santé se sont réunis devant les locaux de l'Agence régionale de santé. Une délégation a été reçue afin de présenter les revendications concernant les services d'urgence du département. Voilà, ben espérons que les choses évolueront favorablement, qu'on redeviendra un pays civilisé parmi les pays civilisés et qu'on arrêtera de tout réduire à des questions de fric. De fric, toujours plus de fric pour les mêmes et toujours moins pour tous les autres. Et toujours moins de soins, évidemment, aussi pour tous les autres. C'est-à-dire, tous les autres, c'est nous, hein, bien sûr. Bragard a déjà licencié 21 personnes pour rebondir à Épinal. Voilà, bah oui. La haute finance, ou la petite finance, ou la moyenne finance, pour rebondir, eh bien, il lâche du lest. C'est-à-dire que, eh bien, il licencie des gens. Ouvrier tué par l'amiante, sa famille attaque la cristallerie à Baccara. La famille d'un tourneur de la cristallerie, mort des suites d'un cancer lié à l'amiante, réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Faute inexcusable de l'employeur. L'affaire a été plaidée ce mercredi devant le tribunal de Nancy, jugement le 6 septembre. Ah oui, il faut le temps. Les juges ont besoin de réfléchir longtemps, longtemps, longtemps. Et puis ils finissent par prendre une décision que... Hein, bon, voilà. Mais on est en République, hein. Ne vous posez pas de questions. Valérie Pécresse clame, claque. Elle ne clame pas, ben elle clame aussi, bien sûr, mais elle claque la porte des Républicains. Alors ça, c'était le 6 juin 2019. Alors ce même 6 juin, eh bien, des perquisitions ont eu lieu chez Gérard Collomb. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire sur des soupçons de détournement de fonds publics au bénéfice d'une ex-compagne du maire. Ah, Gérard Collomb, il détournait des fonds publics. Ah. Alors, pour faire court, être assureur militant aujourd'hui, c'est privilégier la réparation et le recyclage pour lutter contre le gaspillage, promouvoir l'économie du partage, accélérer l'innovation française en accompagnant le développement des start-up, choisir des placements responsables, proposer une épargne solidaire pour favoriser l'emploi, l'insertion et l'accès à l'éducation, établir tous nos plateaux téléphoniques en France, et oui, réduire nos émissions de CO2 dans nos bureaux, nos achats et nos déplacements, soutenir le monde associatif, et agir pour l'inclusion, décarboner l'économie et accompagner les secteurs en transition énergétique. Payer nos impôts en France. Nous appuyer sur des sociétaires engagés pour faire vivre le modèle mutualiste. Être exemplaire sur les questions de mixité, de diversité et d'égalité dans l'entreprise. Encourager la pratique sportive par tous. Protéger vos données personnelles et vous donner des outils pour agir. Mettre l'humain au cœur de toutes nos actions et de tous nos choix. Vous remercier d'avoir pris le temps d'arriver jusque-là et vous inviter à poursuivre avec nous. Voilà, chaque acte compte et c'est signé MAIF, assureur militant. MAIF, c'est Mutuelle Assurance des Instituteurs de France. Une assurance mutuelle, répétons-le bien, mutuelle. Eh oui, on peut donc faire des assurances mutuelles et se passer des assureurs, voilà. Quand mai finit en juin, quel engouement, le stade plein, TF1 en direct, les unes des journaux, l'ouverture des JT pour celle de la coupe féminine de football. Alors mai, je croyais qu'il s'agissait de Mathilda May qui en plein Brexit, est en train de quitter l'Europe. Voilà. Et rappelons-nous à propos de ces Britanniques qui veulent quitter l'Europe. On ne les retient peut-être pas tellement, hein. De Gaulle qui disait déjà que, bon, la Grande-Bretagne entrant dans l'Europe, oui, c'était bien, mais enfin, il n'en faisait pas, hein, pas tant de cas, hein. Il n'espérait pas grand-chose dans le comportement de ces gens-là. 1044 suppressions de postes chez General Electric, c'était le 29 mai. Que s'est-il passé depuis? Il y a eu les élections européennes. Est-ce qu'on a arrêté le déménagement de d'Alstom chez General Electric, est-ce qu'on a sauvé des emplois? Mais non, bien sûr que non, les emplois continuent à s'en aller à volo. 6 millions de chômeurs en Allemagne en 1932. On a 6 millions de chômeurs en France en 2019. Faisons très attention, messieurs les gouvernants, que les gens ne se mettent pas à voter bête comme ont fait les électeurs allemands en 1932. Eh oui, ben oui, les mêmes causes peuvent très bien produire les mêmes effets. Voilà. Hein. Le passage aux 80 km/h a sauvé des vies. Eh oui. 2018, l'année la moins meurtrière. Fisc, 21 ministres épinglés. Le rapport annuel de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique révèle que 21 ministres sur 35 ont eu droit à une rectification fiscale en 2018. Soit 60% des membres du gouvernement. 60% des membres du gouvernement sont concernés, ceux nommés en 2017 et pendant le premier semestre 2018. Et ouais, ben voilà, on a bien voté, quoi. Quand les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le bottin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'omari changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG, c'est nous qu'on sera les PDG, remarquez même en Rockefeller, je resterai quand même fils d'ouvrier, qu'un employé à bas salaire, c'est une chose à pas oublier, oui, mais quand nos cœurs changeront de chaumière, que les secrétaires changeront de genoux, que les sofas ils changeront de derrière, qui c'est qui quand je rappine you, quand les Rolls changeront de carte grise, quand Maxime il changera de client, quand les smoking changeront de valise, alors l'a dit, et gentiment, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Les cigares, ils changeront de bouche, quand les stars, elles changeront de main, quand la bonne soupe, elle changera de louche, qui sera dans le potin, quand les gibus, ils changeront de tête, quand les bagous, elles changeront de doigts, quand l'homard, il changera de fourchette, les employés, on sera les rois, il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. PDG. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous savez qu'en Amérique du Sud des indépendances et des révolutions, en France également, un cri s'est souvent élevé des peuples. Ce cri, c'est la patrie ou la mort. Il était insupportable à ceux qui se battaient pour l'indépendance d'une nation et la souveraineté du peuple d'imaginer être soumis à une influence qui lui était étrangère. C'était un appel venu de la fierté des peuples et de la force d'une idée nouvelle, la liberté des peuples. Je crains aujourd'hui que ce slogan, la patrie ou la mort, doivent être pris au sens littéral. Si nous ne relocalisons pas la production, si nous n'articulons pas nos économies autour de la production en circuit court, si nous ne réduisons pas les écarts entre le lieu de production et le lieu de consommation, alors nous sommes perdus. Le défi que nous avons devant nous est immense. Sauver la civilisation humaine en péril n'est pas une mince affaire et il n'est pas certain que nous y parviendrons, quand bien même nous y mettrions tous nos efforts. Mais quelle plus belle tâche que de s'y employer, de travailler à ce que nos cultures, la grandeur de l'esprit et les œuvres magnifiques de l'humanité nous survivent et aux générations qui viendront après nous. Avec le CETA, vous partez dans une toute autre direction et faites le pari de la destruction. Cécilia Malmström, commissaire européenne au commerce, est venue faire la retape du CETA ce matin sur France Culture. Le journaliste qui l'a interrogée avait bien compris le problème essentiel de l'accord. Plus d'exportations et plus d'importations, on a beau le mettre dans tous les sens, ça fait plus d'émissions de gaz à effet de serre. Mais les technocrates européens sont des amoureux des sophismes et ont un rapport assez distant à la vérité et aux faits. La commissaire européenne a donc opéré une distinction merveilleuse. Le problème, ce ne serait pas le commerce, mais le transport. Pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? J'avoue m'être interrogée, comment allait donc-elle retomber sur ses pieds avec une distinction aussi absurde? Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Il suffirait d'améliorer les conditions de transport pour que le libre-échange ne pollue plus. Comment? Peut-être que la commissaire au commerce pourrait nous expliquer comment téléporter des produits d'un endroit à l'autre sans utiliser du carburant issu des énergies fossiles. Comme souvent dans ce genre de procédé, il est difficile de faire la part entre la naïveté, le mensonge et le cynisme. Le comble de ce type de pseudo-argumentation, c'est le moment où s'agitent tous les réflexes de classe en se drapant dans des principes libéraux que ce gouvernement bafoue par ailleurs allègrement quand il s'agit de réprimer les mouvements sociaux. C'est le moment où vous nous dites, si vous êtes contre le commerce, vous êtes pour le repli sur soi, pour la fermeture et autres bilvésées. Au jour où la destruction apportée par ces logiques viendra, vous continuerez à répéter sans vous arrêter dans un dernier souffle, ouverture, ouverture, ouverture, au milieu d'un air irrespirable. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Loin d'être une vision étriquée, notre conception de la patrie républicaine est ouverte. Elle prend en considération les possibilités de survie de l'humanité tout entière. Vous ne pouvez continuer à nous répéter en mode automatique l'argument selon lequel l'opposition au libre-échange serait une opposition à l'ouverture sur le monde. Allez chanter ce refrain aux centaines de milliers de corps qui gisent au fond de la Méditerranée ou qui jalonnent le désert libyen. Ces personnes n'ont sans doute pas bien saisi, avant de mourir, les bénéfices de l'ouverture liés au libre-échange. Arrêtez donc avec ces arguments inconsistants. Aujourd'hui, être ouvert au monde, c'est penser les conséquences de la catastrophe écologique qui vient, tenter d'en atténuer la puissance et amortir le choc. Pour cela, il faut créer de nouvelles solidarités entre les peuples et il ne sert à rien d'invoquer les mannes du marché. Le libre-échange, c'est l'échange inégal qui écrase les économies du Sud. Il faut rompre avec ce modèle où nous exploitons certains pays où seule la faible valeur ajoutée est produite et où la haute valeur ajoutée est réservée aux plus puissants. Votre libre-échange, c'est la Pax Romana des États-Unis d'Amérique. Soit on l'accepte, soit on est écrasé. Mais notre époque est à l'insoumission. Si nous voulons affronter le défi écologique, nous devrons affronter les puissances de l'argent. L'argent n'a pas de patrie, l'écologie en a une. Celle des peuples qui partout doivent se défendre des puissances qui les détruisent. C'est le futur de l'humanité qui se joue. Avec le CETA, mais aussi le JEFTA, les accords avec le Mercosur, dont le Brésil du président d'extrême droite Bolsonaro, avec Singapour, le Vietnam et avec la vingtaine d'accords de libre-échange en négociation, vous donnez le pays au lobby. Vous êtes des représentants du peuple. Vous ne pouvez pas laisser Total, Monsanto ou la BNP Paribas décider de notre avenir. Voter pour le CETA, c'est la fin de notre souveraineté populaire, la capitulation du pouvoir politique. La patrie ou la mort, l'écologie ou la barbarie, voici les choix de notre époque. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de choisir votre camp. Certains veulent continuer à faire le commerce des riches et à préparer la destruction de nos conditions de vie. Vous verrez, quand les pauvres s'y mettront, Robespierre disait dans un discours fameux, « Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. Aujourd'hui, c'est le libre-échange que nous devons enterrer. » Change et que ça bouge, lève-toi car il est. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Tu crevais de faim dans ta misère, tu vendais tes bras pour un morceau de pain. Juillet 1954, l'ennemi, le plus grand ennemi, s'appelle la méfiance. Je vous parle ce soir de cette ville-là sur le lac de Genève que la presse vous a décrite et où la délégation française a installé son quartier général. C'est ici qu'ont eu lieu plusieurs des conversations dont vous avez pu lire le compte-rendu. En ce moment même, se poursuivent dans la pièce voisine nos études et nos discussions. J'ai demandé à mes interlocuteurs de bien vouloir m'excuser quelques minutes pour venir vous parler. Car quel que soit le sort de cette conférence, chaque Français doit savoir aussi clairement que possible quelles auront été les raisons de la réussite ou par malheur les causes de l'échec. Si dans 3 jours nous avons réussi, il faudra bien connaître et retenir, pour ainsi dire une à une, les forces qui auront contribué au succès. Et il faudra s'en servir de nouveau pour consolider et pour élargir la paix. Si dans 3 jours, au contraire, nous n'avons pu atteindre notre but, vous connaissez déjà les grandes responsabilités auxquelles nous devrons faire face. Je sais bien que vous ne les admettrez, et c'est légitime, que si vous comprenez clairement les raisons qui nous auraient mis dans l'obligation de demander des sacrifices nouveaux à notre pays. Dans 3 jours, le délai précis que l'Assemblée nationale a fixé à nos adversaires pour obtenir un cessez-le-feu en Indochine, dans 3 jours, ce délai aura expiré. J'aurai alors à rendre compte au Parlement du résultat de la mission qu'il m'a confiée. Mais quel que doive être ce résultat, si j'avais aujourd'hui à donner à cette conférence 3 jours, 3 semaines ou 3 mois pour aboutir, c'est 3 jours, je vous l'affirme, que je choisirai et sans hésiter. J'étais convaincu dès le début qu'il n'y avait aucune raison de ne pas nous entendre rapidement avec nos adversaires sur un règlement honorable et que si nous ne devions pas trouver un accord, il fallait aussi que nous le sachions rapidement. Aujourd'hui, après de multiples conversations, après de multiples séances de travail, je suis plus ferme encore dans cette conviction. Rien de ce qui nous sépare maintenant n'est obscur ni insurmontable. Chacun des problèmes à résoudre a été exploré à fond, et les efforts qu'il faudra que nous fassions les uns et les autres pour aboutir sont connus et mesurables. Ce n'est plus tellement une question de travail, c'est une question de volonté. À cette volonté, il n'y a aucune raison d'offrir des délais supplémentaires. Si elle doit apparaître, il faut que ce soit maintenant. Cela surtout si l'on conserve à l'esprit que chaque jour qui passe est une journée nouvelle de souffrance et de deuil, car des centaines d'hommes meurent encore chaque jour. Je ne doute pas du désir sincère de paix de toutes les délégations, je dis bien toutes, qui sont réunies actuellement à Genève. après de nombreux échanges de vues avec les chefs de chacune d'entre elles, c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé et dont je voulais vous faire part comme du fait essentiel que j'ai appris au cours de ces journées laborieuses. Il n'y a pas ici, j'en suis persuadé, de saboteurs de la paix. Il n'y a nulle part de volonté d'échouer ou de faire échouer. Seulement, l'envie d'aboutir, aussi partagée qu'elle soit, ne suffit pas. Ce serait trop simple. Si tout s'arrangeait à partir du moment où les négociateurs de part et d'autre sont de bonne volonté. Ces bons sentiments sont nécessaires, sans eux, il ne vaudrait même pas la peine de se réunir, mais ils sont loin d'être suffisants. Pour arriver à la paix, il faut encore surmonter de grands obstacles, dont certains étaient d'ailleurs prévisibles et inévitables. Ce sont les intérêts contradictoires des nations. Lorsqu'il s'agit par exemple de déterminer une ligne de regroupement militaire, ou de fixer une échéance pour l'application d'un règlement, même si l'on est d'accord sur les principes, comme nous le sommes dans une large mesure aujourd'hui, il reste une marge importante à franchir pour se retrouver sur les modalités pratiques, sur les conditions, sur les délais de réalisation. Et pour se rejoindre alors, ce n'est plus seulement un désir de paix qu'il faut avoir, mais une volonté active, constante, exigeante, je dirais même croissante, à mesure que l'on approche du but, la volonté d'imposer la paix contre les obstacles qui se trouvent encore sur son chemin. C'est dans les prochaines heures que nous verrons si une telle volonté existe partout, elle existe chez nous à coup sûr. À ce sujet, je voudrais nommer l'ennemi, le plus grand ennemi que je combats depuis 8 jours. Il s'appelle la méfiance. Entre les hommes qui ici cherchent ensemble la paix, on constate une méfiance profonde, douloureuse, et dont on peut difficilement avoir une idée tant qu'on n'en a pas fait directement l'expérience. C'est le poids le plus lourd qui pèse sur nos travaux, c'est la menace la plus grave, présente et future, pour le maintien de la paix. Bien sûr, des arrière-pensées existent. Autour d'une table de négociation, une vigilance constante et une critique permanente des affirmations de l'interlocuteur sont des précautions élémentaires et justifiées. Mais ce que je constate ici, c'est bien autre chose. C'est une méfiance maladive et presque paralysante. C'est une tendance naturelle et presque irrésistible à ne rien croire, à ne rien admettre et presque à ne plus espérer. Eh bien non, nous n'avons pas le droit de nous résigner, de renoncer à nous comprendre ou même simplement à nous parler. Et j'en arrive à espérer le succès de cette conférence de Genève, non plus seulement pour rétablir la paix en Indochine, mais aussi et peut-être par-dessus tout, parce qu'il signifierait qu'une première brèche aurait été percée dans ce mur de méfiance, épais, impressionnant et si menaçant pour l'avenir. Maintenant, je vais retourner dans la pièce qui est à côté de celle-ci d'où je vous parle. Je vais y rejoindre mes interlocuteurs qui ont ce soir, j'en suis sûr, comme moi, le sentiment intense d'être chargé de l'espoir des hommes qui se battent et auxquels nous pensons avec affection, et aussi de tous les hommes, de toutes les femmes dont la vie et le bonheur dépendront pendant des années du résultat de notre négociation. Quant à moi, d'être venu près de vous un instant, à l'heure du dîner qui vous réunit avec vos enfants autour de la table de famille, après la semaine, ses travaux, ses soucis, ses inquiétudes, oui, d'être venu ce soir près de vous juste un instant me donnera plus puissamment encore la conviction que je parle en votre nom à tous dans l'ultime, et je vous l'assure, difficile effort qui me reste à fournir. Et malgré les obstacles qui subsistent, j'espère de tout mon cœur, de toute mon énergie, de toute ma volonté, qu'avant 3 jours, la méfiance aura enfin été moins forte que la paix. Alors chantait des tas de chansons, Désiré, toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des tricks. Ils sont allés au cinéma